Bonté de l'idiot, diamant du charbon, sainte énigme, lumière auguste des ténèbres. Les célestes n'ont rien de plus que les funèbres, si les funèbres, groupe aveugle et châtillé, songent, et n'ayant pas la joie, ont la pitié. Ô spectacle sacré! L'ombre secourant l'ombre, l'âme obscure venant à l'aide à l'âme sombre, le stupide attendri sur l'affreux se penchant, le damné bon faisant rêver l'élu méchant, l'animal avançant lorsque l'homme recule. Dans la sérénité du pâle crépuscule, la brute par moments pense et sent qu'elle est sœur de la mystérieuse et profonde douceur. Il suffit qu'un éclair de grâce brille en elle pour qu'elle soit égale à l'étoile éternelle. Le baudet, qui, rentrant le soir, surchargé, là, mourant, sentant saigner ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange pour ne pas écraser un crapaud dans la fange, c'est un abject, souillé, meurtri sous le bâton, est plus sain que Socrate, et plus grand que Platon.